بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله من بعد انتهينا من الدرس 18 طيب كم حالات للفعل المضارع؟ فهمتها؟ الفعل المضارع كم ديتايلا؟ مضارع؟ Qui a compris? On l'a vu ça. Qui a compris? Kam halat al fi'l madhari? Al marfou? Al mansoub? Al majzoum. طيب ماذا اخذنا من الفعل المضارع? Qu'est-ce qu'on a étudié pour l'instant? On a étudié le marfou. Al marfou. Alamat al raf' lil fi'l madhari? Damma. Ah ouais, les français, lui qui se trompe, il se trompe, tout le monde fait des erreurs. Damma également. C'est tout? Le waouh. Le waouh. Vas-y encore. Le alif. Et toi, l'ia. D'accord. Non, il faut réviser. Hein? C'est le bouton. C'est le bouton. Damma. Ouais, c'est le bouton. Allah ybarik fikoum. Ça, c'est des dars, il faut apprendre dès maintenant. Comme ça, après, ça y est. Il n'y a plus besoin. Ça, c'est des doloroses que vous allez revoir encore, même dans les grands livres. Alors, dès maintenant, apprenez-les. Comme ça, vous êtes tranquille. Après, plus tard, c'est quoi? C'est de la révision ou ce sera un cours? Une révision. Moraja. Comme il a dit le frère Iman, alamat al-fi'l al-mudara al-marfou' al-damma wa thubut al-nun. Mithal damma? Dahabu. Dahabu. Tadahabu. Taïb. C'est quoi dahabu? On ne peut pas. Taïb. À part si c'était le pluriel. Taïb. Yadhabu. Wa mithal bi thubut al-nun ya Iman? يذهبون الأولاد يذهبون طيب أيك لفهم وجاء كما أنتن تذهبنا شيء مبني مبني أحسن بارك الله فيكم طيب عندك يا كمال وعلامة النصب في الفعل المضارع سيكوا الفتحة سي لا باز طيب également نون سي نون منصوب نعم عندك حذف حذف النون attention طيب est-ce que chaque fois qu'on verra que le noun il est supprimé c'est que le verbe il est mansoub non que, pourquoi parce qu'il y en a il me lit avec non moi je t'ai pas parlé de mabni là je t'ai demandé ma question parce que si tu parles de mabni c'est qu'il sera pas supprimé ah ouais c'est vrai ah ouais alors regarde bien alors j'ai dit chaque fois qu'on verra que le noun il est supprimé est-ce qu'il est mansoub le verbe Parce que le frère Wahbi, mashallah, il a bien répondu. Alamat al-nasb, al-fatha wa hadf al-nun. Bah ouais. Bah ouais. Et toi? J'aurais dit pareil, Naam. Naam. Et toi? Naam. Et toi? Pourquoi tu veux? Il peut être metzoum. Attention. C'est-à-dire, comment on va différencier alors? Vous avez compris la question là? Est-ce que chaque fois qu'on verra le nun, il est supprimé, est-ce que ça veut dire qu'il est mansoub? Vous avez dit oui, le frère, il a dit non. Et pourquoi? Il a dit il est. Madzoum. C'est-à-dire, il peut être madzoum. Comment on va reconnaître que ce verbe-là il est madzoum et celui-là il est mansoub? Parce que là, on a quoi? On a les mêmes deux signes. C'est-à-dire, les deux signes sont quoi? Sont les mêmes. C'est-à-dire quoi? Le noun il est supprimé. Comment on va reconnaître? Allah alam. Pourtant, les frères, ça c'est simple. Je les dis. Comment? Avec le an. On ne parle pas de an là. Ah, pour le reconnaître, comment on reconnaît? On ne parle pas de an. On parle de l'an et. Par exemple, avec le C'est-à-dire, si on voit l'aim, on sait que le verbe, il est medzoum. Si on voit l'aim, on sait qu'il est mansoub. C'est-à-dire, dans les deux cas, on ne peut pas se tromper. À réviser, les frères, Allah ybarik fikoum. Taïb. Sa'ati ka sa'atika. Al-kafuna. Al-kafuna. Salama. Tashbi. Ahsan. Taïb. C'est compris ça, Inch'Allah. Comment on dit habitude? Adatun. La adatun. Adatun. Et le pluriel, comme tu as dit? Adatun. Très bien. Musée. Andek? Andek? Mouthafoun. Mouthafoun. Non. Matahif. Comment on dit une boîte? Ulbatun, ulaboun. Non, ulbatun, ulaboun. Habit. Elle est habile. Le zoo, parc zoologique. Hayawana, très bien. Pharmacie. Ça, c'est des billes. Non, bismillah. Quelqu'un a une question là ? Tout le monde a compris, Inch'Allah. Al-Mudara al-Marfour, Al-Mudara al-Mansour. Révisez bien les frères, parce qu'Inch'Allah, bi-idhnillah, on a bientôt fini. Ce sera le 3. Et sachez que le 3, il est vraiment plus large que le 2. C'est pas juste un petit peu. Le 1, le 2, vous avez vu ça, c'est proche. Alors que le 3, pour lui, vous êtes censé avoir bien saisi le 1 et le 2. Hein ? Il ne faudra pas qu'on refasse le marfou. Ah, oh, c'est quoi un fa'al ? C'est quoi un maf'oul bila ? Vous êtes censé connaître ça. Tu vois ? Moi, c'est pour vous, je dis ça, les frères, pourquoi ? Comme ça, Inch'Allah, on fait bien le 3 et après, Allah il facilite. On fait le shahad al-ajrumiyya, on fait les deux livres de Médine. Et si Allah il facilite, peut-être on fera le mutamima, bi'idhnillah. Taïf, si on peut le faire, on le fera ensemble, Inch'Allah. Peut-être après Ramadan. Taïf. Alors, Inch'Allah, révisez bien. Tu vois ? Barakallahu fikoum. Taïf, bismillah, qu'ra ya khana. Araju en tashtariya. En tashtariya, pas tashtariya. Taïf, en tashtariya. Non, c'est rien, pas de mal. Araju en tashtariya. Li hada kitab. Li hada kitab. Li hada kitab. T'as compris ? Regarde comment tu l'as lu, toi. Arju en tashtariya. Li hada kitab. C'est comme si ça fait rentrer le lam dans li hada. T'as compris ? Tu peux dire li hada. Hada al kitab li hada. Et hada al kitab li. Il y a une différence ? Quand, hein ? Non. J'ai demandé au frère là, quand je lis, Arjou an tashtari li hada al kitab. Arjou an tashtari li hada. Pourtant, je vous aide là. Là, je demande qu'il m'achète un livre à qui ? À moi. Mais quand j'ai fait la lecture qu'il a fait le frère, c'était pour un autre frère. Il a fait rentrer l'amzar dans quoi ? Dans Ism l'Ishara. Hein ? Taïb ? Bismillah, akhi Allah. Arjou an tashtari li hada al kitab. من الهند عندما تذهب إلى هناك في عطلة صيف. نعم. إنه بلغة الأردية. أردية هاه c'est une langue de du Pakistan. وما وجدته في المكات في المك في المكتبات في المكتبات المكتبات هنا طيب ها شو أنا آسف إني لن أذهب إلى الهند في هذا في العطلة الصيفية أريد أن أذهب أريد با أريد أن أذهب أن أذهب إلى بغداد لأزور خالي الذي يعمل في سفارة الهند هناك هو إخوتك ألا وإخوتك ألا يذهبون إلى الهند؟ نعم هم أيضا لن يذهبوا نعم هم أيضا لن يذهبوا هذا العام هذا العام يريدون أن يبقوا بالمدينة نعم يريدون أن يبقوا بالمدينة المنورة ليحفظوا القرآن الكريم وأخواتك هنا أيضا لن يذهبنا للهند في هذه العطلة يريدنا أن يذهبنا إلى مكة أولا ليعتمرنا ويبقينا هناك شهرا عند خالتنا ثم سيذهبنا إلى الرياض لزيارة عمنا الذي يعمل في أحد المصارف هناك. انتظروا لي مودي maintenant que vous comprenez pas. من الطلاب. الهنود. الهنود. لا. طيب الهنودي نعم. بارك الله فيك. يذهب إلى الهند في هذه العطلة. عطلة. نعم. سمعت أن طالبا. سمعت أن طالبا هنديا اسمه خالد سيذهب إلى الهند قريبا. نعم خير شو؟ نعم أنا هو سيذهب في الأسبوع المقبل ولكنه لن يرجع لن يرجع. لماذا؟ لأنه مريض ومريض وسيبقى في الهند للعلاج وللعلاج. سبيا للعلاج كم تبين؟ أتعرف جعفرا؟ سبيا تعرف جعفرا؟ نعم أعرفه لكنه من باكستان. من باكستان شوف. يمكنه أن تشتري. يمكنه أن يشتري. أن يشتري عفوا هذا الكتاب من باكستان. وإن الكتاب فإن الكتاب الأردية موجودة في الهند والباكستان. أشكرك يا أيوب جزاك الله خيرا سأذهب إليه الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. في Hein, ce dars, si vous avez fait attention, une révision de quoi? Du verbe au mudhara. Hein? Marfo, le sin, saufa, lan, liyashtariya. Hein? C'est pour ça, les frères, si vous écoutez maintenant ça, lisez beaucoup les textes. Vous allez voir, après, vous allez beaucoup, beaucoup profiter, Inch'Allah. Il y a eu des mots pas compris? Tu as compris, c'est bon? Comment? الأمن c'est-à-dire la confiance الأمن la paix c'est-à-dire sous la protection d'Allah في أمان الله. نعم نعم ouais les banques c'est le pluriel de masraf on l'a vu hein ce mot non y a que ça. C'est bon, Inch'Allah ? Taïb. Bismillah, les frères. Taïb, le dars d'aujourd'hui, barakallah. Ana Asifoun. C'est pour ça entourer les frères. À la prochaine fois. Ana Asifoun, ça veut dire moi je regrette. Ana Asifoun. Ça, je lui dis dès maintenant, entourer, comme ça après, on n'a plus à rechercher. Comme ça, dès que ton lit, tu entoures et on gagne du temps. Taïb, bismillah. Le dars d'aujourd'hui, ça parle de quoi ? Également des adawat allati tadkhul ala al-af'al. طيب on va en dire on a vu quoi al-ma an-nafiya. Qui se souvient ça rentre dans quoi? Dans le madi, c'est tout? Dans le mudari' al-wahid. C'est là pas dans le hal. C'est-à-dire elle rentre au madi. Mafhoum? C'est-à-dire quoi? C'est une négation au passé. Et si elle rentre dans le mudari', ماذا قلنا? Tu khallis al-mudari' lil-hal. Hein? Ma adhhabu ila al-souq ma'na في هذا الوقت. طيب. après on avait vu quoi? La nafia. Vous vous souvenez? Elle rentrait dans quoi? المضارع. ماذا تفيد? النفي. الحال والاستقبال. Vous vous souvenez de ça? طيب. نقول لا أذهب إلى السوق. Et on a dit qu'elle pouvait rentrer dans quoi également? في الماضي بشروط. Il faudra répéter le فعل. مفهوم? هل رأيت زيد? لا أعرفه ولا رأيته. مفهوم هذا? C'est compris? Et aujourd'hui, on voit quoi, barakallahu fikoum? Lan. Lan, ça s'appelle harf, nasb ou nafi. Hein? C'est un harf qui rentre dans un verbe au mudara, khas. Il n'y a pas lan dahaba, ça n'existe pas. Lan akala. Vous voyez? Lan, ça veut dire quoi? Harf, nasb, ça veut dire quoi? Nasb, ça veut dire qu'il va rendre le verbe au mudara, mansoub. Taïf. Et il a un sens, un nafi, la négation. Et cette négation, chez beaucoup, c'est quoi? Une négation lointaine. À la différence de quoi? Barakallahu fikoum, de la. Quand tu dis la adhabu, on comprend quoi? Fil hal et un mustaqbal qarib. Walakin idha qulta barakallahu fik lan adhaba. Yufham min kalamika madha? Annaka la satadhab fi madha fil mustaqbal al ba'id. Hadha wal asl. Vous avez compris la différence? Taïb. Mais la différence entre lan et la, c'est quoi maintenant? C'est que lan, c'est khas pourquoi? Al-Mudara, alors que là, on pouvait l'utiliser quoi? Al-Mardi. N'importe quel là? Là, c'est la Nafia. La Nafia. Pourquoi la Nafia? Non, pourquoi la Nafia? Parce que la Nahia, il rend Metzoum. Est-ce que le Metzoum, il rentre dans le Mardi? Ah, c'est ça que je voulais que vous répondiez. Quand j'ai dit pourquoi que la Nafia, parce que Nafia, ça va dans le Mardi et dans Al-Mudara. La Akaltu wa la Shariptu. La Akulu. Amma la Nahia. La Taqul la Zahab. Non. La Nahia, khas bil fi'l al-Mudara. La Tadhab. Vous avez compris? Et tout ça, c'est important. Tu as besoin d'entendre parler. Bon, alors on répète vite fait et après c'est que de la lecture. On a dit que le ma nafia tadkhul ala al madi wa ala al mudara. Wa idha dakhalat ala al mudara tukhallis hadha al mudara limadha? Lil hal. Thumma akhadna madha? La nafia. Mafhoum? La nafia tadkhul ala al mudara. C'est compris? Et ça veut dire quoi? C'est une négation qarib et également le hal. Et elle peut rentrer au madi, on a dit madha? Walakin bi shurut. Na'am. La nafia. La akaltu wa la shariptu. Nahia, c'est quoi? La tadkhul. Madzoum. J'ai dit ça avant. T'as noté ça? Ah, il n'y a pas de mal. En tout cas, si les frères, je me trompe, il ne faut pas me laisser parler. Hein? Tu dis afwan, il n'y a pas de mal. Alhamdulillah. Barakallahu fik. La nafia. Ah, la nafia, elle rentre au madi et au mudara. Mais on a dit que le madi, il faudra quoi? Une condition, il faudra répéter. Hal raita zayd? تقول لا اعرفه ولا رايته مفهوم après on voit quoi aujourd'hui comme salam rahmatullah barak amma al-yawm lan harf nasb wa nafi مفهوم والفرق الان on voit la différence que lan khas bil mudara ah si quelqu'un maintenant te demande mais la différence entre lan et la pourtant les deux rentrent au mudara c'est vrai ou non tu diras que la c'est une négation proche alors que lan déjà d'une, ça rend le verbe mudara comment? Mansoub. Et c'est une négation quoi? Plus loin. Et également, la différence entre l'an et la, c'est quoi également? Que l'an ne rentre pas au madi. Alors que la nafia, elle peut rentrer au madi. Hada wal khulasa. Mefoum, madame? Barakallahu fikoum. C'est-à-dire, demain, est-ce que tu peux dire? Tu me demandes, moi, est-ce que je suis parti? À la mosquée? Hal dahabta ila al-masjid? Lan dahabtu. C'est bon? L'an dhahabtu ila al-masjid. Ni mala. Pourtant c'est une négation, je t'ai dit je suis pas parti. Comment? L'an c'est pour plus tard. Je partirai pas. C'est-à-dire si c'était proche, c'était bon. Non, laisse-moi. Pourquoi je peux pas dire l'an dhahabtu? Parce que c'est pour mustaqbal. J'irai, c'est pour plus tard quoi, je vais dire. C'est à cause de ça. Taïb, si je vais y aller après un peu, voilà. Hein? Mahdi. Moi, je veux que tu commences. C'est pour ça que je joue. Moi, je t'ai dit l'an dahabtu. Taïb, moi, je vais y aller juste après. Voilà, laisse le moustache le très loin. C'est bon si je te fais comprendre ça? Non, je crois pas. Tu crois pas? Taïb. Ouais, ouais, oui. Pourquoi? Moustaqbal. Fais le fil le mudara. Et il rend le verbe mansoub. T'as bien dit? Barakallah. C'était ça que t'as dit? T'enregistres, non? C'est ce que tu veux. Allah y vérifie. On parle pas du mustaqbal. La adhabu. C'est quoi? C'est un mustaqbal. Ça veut dire. Mais bon. Toi, t'as dit le la, par exemple. C'est une négation. Quelle négation? Ouais. Une négation? Ouais. C'est une affirmation. C'est une négation, là, d'abord. Là. Taïb. Tout le monde a compris, Inch'Allah? Là, on va lire, Inch'Allah. Ajib anil as'ila al-atiya bin nafi, musta'minan la. Taïb, moi, je vous pose la question et vous répondez. Hein, c'est exercice grand 3. Atadhabu ila baladika fi utlati saif? Lan adhabu. Lan adhabu. لن أذهب إلى بلدي هذا هو كم سلام أتذهبون إلى الملعب هذا المساء يا إخوان لن نذهب إلى الملعب كتان الفخ عبد الحميدة الذي لن نذهب كي داكور avec lui lève la main 1 2 3 لن نذهب Mahdi. C'est bon. Mahdi. Lan. Lan nadhaba. Eh ouais. Pour ça, apprenez le mudara, les frères. Depuis le début, je vous dis, apprenez bien le verbe mudara. Alaykoum salam. Parce que si on dit quoi? Nahnu. Nadhabu. Est-ce qu'on met le waou? On met pas. Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'il doit dire? Nahnu lan nadhaba. Vous avez compris? Le nahnu, c'est quoi qui nous permet de voir que c'est le jam'? C'est le début. Nahnu. Mafou mada? C'est bon, Abdel Hamid? Barakallahu fik. Hein? Nahnu lan nadhaba ila al-mal'ab. Ayadhabu zumala'uka ila al-muthaf ghadan ya Ali? نعم هنا تجرى كوا هم لن يذهبوا إلى المتحف أتلعبون كرة القدم هذا المساء يا إخوان مزيا أيمن سيبون سوان استقبل هذا مهدي plusieurs fois c'est pas possible de croire une chose j'ai dit combien de fois je vous donne le numéro vas-y لن نلعب تجي لن نلعب كرة القدم طيب أيرجع المدير في من جدة غدا يا أستاذ لن يرجع المدير من جدة طيب تأمل أدوات النفي الآتية هل يبقى كون فاني جرسيس سي كالكين يبقى باوني يجي سيو طيب يا مهدي On est arrivé à la cinquième, t'as dit je sais pas c'est où. C'est-à-dire comment tu suivais tout à l'heure? Comment tu suivais? Je crois que c'était après le texte. Non mais s'il te plaît, tout à l'heure, depuis tout à l'heure, les frères quand ils lisaient. Ce que tu disais là, j'ai vu. Il y était? J'ai vu ça. Non, c'est pas possible. Taïm. T'as amé la dawat et nafi. C'est-à-dire là, on va voir quoi? Les négations. C'est-à-dire il y en a trois. Taïm. Dahabtu ila souq ams. Alaykoum salam wa rahmatullah wa rahmatullah. Ma dahabtu ila souq ams. Il faut ma nafia. أذهب إلى السوق كل يوم لا أذهب إلى السوق كل يوم لا نافية طيب سأذهب إلى السوق غدا لن أذهب إلى السوق غدا ici c'est quoi لن حرف نصب ومستقبل tout le monde a compris inshallah اقرأ الأمثلة الآتية c'est que de la lecture hein. celui qui a pas compris un mot il dit tu es là طيب بسم الله لن أذهب إلى قريتي في عطلتي Très bien, suivant. Comme salam. Falan akhruja. Regarde bien, Wahbi. Même si c'était mal frappé. Comment on dit le verbe laisser sans regarder, Wahbi? Taraka Yatruku. C'est-à-dire pourquoi? Apprenez le mudara, après, tu n'as même plus à regarder l'outil. C'est-à-dire Taraka Yatruku, Lan Yatruka, Otruk. C'est-à-dire avec ça, tu vas travailler avec tout après. Al-Amar, Wal-Mansou, Wal-Mudzoum. La Tatruk, Otruk. Regardez. Lan Yatruka. Vous avez compris ça? C'est-à-dire que dès que tu as le mudara, tu vas travailler avec dans quoi? Dans le Mudzoum, dans le Mansoub, et également dans l'Amr. Vous avez compris? Par exemple, si tu sais dire kharaja, tu diras quoi? Yakhrujou. Al-amr? Okhruj. Al-nahiya? La. Nahiya. La takhruj. Voilà. Taïb. Après, on a quoi? Al-madzoum, qu'on va voir. Lam yakhruj. C'est-à-dire, même si tu ne l'as pas encore étudié, tu sais ce qu'il faut faire. Lam yakhruj. Et quand tu dis à quelqu'un de sortir? Okhruj. C'est pour ça que j'ai l'importance de connaître le mudara et avec, après ça, tu peux travailler au moins 3-4 temps avec. Tfaddal ya Wahbi. Lan. Lan atruku salata. Répète. Lan atru. Lan atruku salata abadan. Très bien. Barakallahu fik. Qala al mudarris. Qala al mudarris. Qala al mudarris. Lan asmaha lakum. Bil-dukhuli. Bil-dukhuli. Bil-dukhuli. بعد بدء المدرس رياض بيان C'est pas mudarris. بعد بدء الدرس, c'est-à-dire le début du dars. في المستقبل. في المستقبل. طيب قال المدرس لن أسمح لكم بالدخول بعد بدء الدرس في المستقبل. السؤال. لن أحلق لحيتي أبدا. إن شاء الله. لن يرجع أبي من المكة. من المكة. On peut dire من ال. لا. Alors من. أجد من ال. من مكة قبل رمضان. Très bien. لن نشرب القمر. لن نشرب. لن نشرب القمر أبدا. بوكو الخمري. بوكو الخمرة. مشعول. نعم مشعول. فقال اليهود لموسى عليه السلام يا موسى لن نصبر على طعام واحد وكما جاء في سورة البقرة. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم. أفوت بعديها. أمشي بأفوت الله يبارك فيك. من لبس الحلول في الدنيا. آخرة. تا كومبريس حديث؟ Qui a compris, Amen. La soie dans ce bas monde, il en sera privé dans l'au-delà. La soie. Ça, on va le voir, Inch'Allah, dans le 3. Inch'Allah. Men. Et après, le fait qu'il y a l'un, le fa, c'est à cause de l'un. Ça, on le verra, c'est un dos qui est dans le 3, Inch'Allah. Non, ça c'est pour les hommes. Parce que ça, pourquoi ? C'est un habit de beauté. C'est fait pour la femme. Mais quelqu'un, par exemple, ils disent qu'il est malade, il est brûlé, ou il a la lèpre. Et souvent, les habits comme on a, nous, ça le gratte. Dans ce cas-là, il est permis de lui mettre de la soie. Mais sinon, c'est un habit de femme. Il faut ? Très. Maintenant, en France, c'est même plus de la soie. Ils ont khalef beaucoup de choses. طيب راهو البخاري. طيب كاش تكوني سور البخاري يا محمد يا également sur son livre par exemple le plus sûr احسنت ها اجمع العلماء après كتاب الله c'est quoi البخاري صحيح البخاري مفهوم et après il y a quoi صحيح مسلم طيب pour ça tu vois les chiites ils n'acceptent pas ces deux livres, surtout l'imam Bukhari. Ils essaient de le critiquer. Non. Atril l'an al al-af'al al-atiya wadbit awakhiraha. Tu te demandes de faire entrer l'an dans les verbes suivants en lui mettant quoi ? Les fins. T'as dit, yakhrujou, tu diras quoi ? C'était à qui ? À toi, Kamel. Là, c'était à toi, Iman. Vas-y, toi, dans l'afwan. L'an yakhruja. Hein ? Takhrubin. La taktubina. Très bien. Mansoub, on enlève le noun. Il n'y a pas de mal. Hein? Sauf, je l'ai dit hier, quoi? Pluriel des femmes. Hein? Taïb, bon, suivant. Len yashrabu. Naam, al-awladu, len yashrabu. Ici, on dira quoi? C'est toi qui as répondu là. Ah. Tu diras, an-nisa'u, len yarsinna. Non, il l'a dit le frère Kamel. L'an yashrabou, là, ou là, deux, l'an yashrabou. Non, il n'y a pas de mal. C'est bon ? Au suivant ? L'an adroula. Très bien. Anna, l'an adroula. Au suivant ? L'an taftahna. Taftahna. Au suivant ? L'an takouli. Takouli. Takouli. Non ? L'an tajlisa. L'an tajlisa. Ahsan. Ça va, le dors il est simple, non ? Tout le monde a compris ? Taïb. Juste. Ce serait pas très bon de faire un capriotif par rapport à l'utilisation de l'an, de la et de. Il n'y a pas de mal, Inch'Allah. Taïb. Hein ? Alors le frère demande, on va faire quoi ? Une conclusion de tout ce qu'on a vu dans le nafi. Taïb. On a dit quoi, barakallahu fikoum ? Le ma nafiya. On l'utilise pour le mardi. Tout le monde a compris ça ? Ma dahabtu. Taïb. Et si on l'utilise pour le mudara, qu'est-ce qu'on a dit ? Il rend le mudara lilhal. Il khalis le mudara lilhal. Taqul ma adhabu. Ma'na al-an. Tout le monde a compris, Inch'Allah ? C'est-à-dire on peut utiliser le ma dans les deux temps. Madhi wa mudara. Mais on a compris que le mudara, il avait quoi ? Al-hal wa al-mustaqbal. Et le fait d'avoir mis le ma, ça nous a permis de comprendre quoi? Al-hal. C'est bon là? Après on a la adhabu. Le la qui est ici c'est quoi? Nafia. Pourquoi? Comment on sait? Comment tu sais quand j'ai dit la adhabu c'est nafia? Non, pas à cause de ça. C'est pas comme ça que je vous ai enseigné, c'est une information. Quelqu'un qui sait, qui connaît, par exemple, il ne connaît pas le français, c'est une information. Après, regardez ma question. Est-ce que je vous ai demandé c'est quoi le signe du mudara qui laisse à dire là, comment c'est que c'est la nafia, ou je vous ai demandé c'est quoi le sens de la nafia? Je n'ai pas demandé le sens. Il est marfou. Hakada. Hein? La nafia, c'est que le verbe il est marfou. Hein? Et si je te demande quel sens il a, là tu me dis ouais, il a un sens de quoi? Al-ikhbar. Taïb? C'est compris? Alors la nafia, tadkhul ala madha? Al-fi'l al-mudari'. Ça veut dire quoi? C'est une négation fil hal, et on a dit également dans quoi? Al-mustaqbal. Tout le monde a compris? Et on a dit il pouvait rentrer dans quoi également? Al-mardi. Walakin bi shurut. C'est-à-dire il faudra répéter. La akaltu wa la sharibtu. La zaydun fid dar wa la umar. Également. Hein, si vous voulez un exemple de verbe et un exemple de ism. Après, on a dit quoi, barakallahu fikoum? On a l'an. On appelle comment l'an? Harf, nasb, nafi, wa istiqbal. Harf, mefhoum. Ça fait sortir quoi? Le ism et le fi'l. Après, on a dit nasb. Ça nous permet de savoir quoi? Qui ne va pas rentrer dans le mardi. Parce que le mardi, il n'est pas mansoub. C'est compris ça? Alors, il va être quoi? Il va rendre le mudara mansoub. Il nous reste quoi après? Le nafi. L'an, il a un sens de quoi? De négation. Quelle négation? Elle est lointaine. À la différence de quoi on a dit? De là. Et il nous reste la dernière chose, c'est quoi? Al-mustaqbal. Hada ma'na. Tout le monde a compris? Maintenant, après conclusion de tout ça, c'est quoi? Barakallahu fikoum. C'est que le mudara, on a dit quoi? Il a trois états. Al-marfou, al-mansoub, ou al-madzoum. Et on a vu quoi? Grâce à Allah. Al-marfou, alamat al-raf. La damma, ou la présence de quoi? Thubut noun. Hein? Alamat al-nasb, on a dit quoi? La fatha ou hadf al-noun. Chaque fois qu'il y aura hadf al-noun, c'est que le verbe il est mansoub. Dis oui. Hein? Non. Non. Taïb, ça veut dire si on ne trouve pas de noun, ça peut être quoi? Ça peut être mansoub ou madzoum. Taïb, comment on va différencier ça, Ayman? Dans les deux, on trouvera que le noun il n'est pas là. Soit lam, lam yalid, on va laisser le pluriel. Al-awladu lam yadhabu. Al-awladu lan yadhabu. Les deux, il n'y a pas de noun. Mais on sait qu'un, il est mansou parce qu'à cause de lan. On sait que l'autre, il est madzoum à cause de lam. Mais faut madan, inshallah. Et le madzoum, on va le voir et on verra que lam, c'est un des signes les plus forts, que devant nous, c'est un signe ou un verbe ou mudara. Hadaw. Al-kalimatu al-jadida, c'est bon? Asifun. Hein? C'est-à-dire regretter. Hindoun jam'u hunud, indien. Mut'ab, fatigué. Al-akhira, l'au-delà. Ahadun, un, unique. Sabara, yasbiru, patienté. Umratun, c'est la umra. Sifaratun, l'ambassade. Khamrun jam'u khumur, le vin. Harirun, la soie. Mustaqbal, le futur. Abadan, jamais. Taraka, yatruku, laisser. Amun jam awam, année, maujoud, présent, ad-dunya, le bas monde, bad'un, début, nasiya, non, c'est labissa, parce que la première était labissa yalbisu, s'habiller, i'tamara ya'tamiru, c'est le fait de faire quoi? Une umra, c'est le verbe. Il a un mot spécial en français, ça on dit? En tout cas, le sens c'est ça. Hein? I'tamara, c'est le fait de faire. Une umra comme hajja, c'est faire le pèlerinage. C'est regretter ou un regret? Regret, asifoun. Hein? Avoir un regret, asifoun. Sinon, le verbe regretter, c'est asafa. Taïb, inshallah, demain on fera dars ashroun. Barakallahu fikoum.